Pourquoi la cupidité menace-t-elle le monde ? Dans une discussion récente que j'ai pu avoir avec lui, le grand constitutionnaliste sénégalais, le professeur Babacar Kanté, me racontait l'anecdote suivante. Dans un débat aux Nations Unies sur la crise économique mondiale, il y avait plusieurs spécialistes, des économistes, des sociologues et puis un philosophe. Il y a eu un grand débat sur les raisons de l'emballement économique, des crises économiques, et puis à la fin, on demande son avis au philosophe qui, pour une fois, ça n'est pas toujours le cas, me semble très philosophe et particulièrement profond. Qu'a dit en effet ce philosophe à tous ces économistes qui en sont restés stupéfaits ? Il a dit « Peut-être que la raison profonde de la crise réside dans la cupidité, dans le désir qu'ont certains hommes de s'enrichir indéfiniment, peut-être d'ailleurs tous les humains ont potentiellement ces désirs sans limite, ces désirs infinis, mais le fait que les institutions aient rendu cette cupidité possible dans cette réalisation et même d'une certaine façon l'ont légitimée en dérégulant et en permettant des écarts immenses entre non seulement les pauvres et les riches, mais les pauvres et les riches, disons, modérés et d'un côté et d'autre part, ce qu'on appelle aujourd'hui les ultra-riches, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas simplement un peu plus riches que les autres, mais qui franchissent un saut qualitatif infini que tous les cupides veulent atteindre, et même entre eux, on peut imaginer une course sans fin à la richesse elle-même infinie, une cupidité, qui serait donc un désir sans fin de richesse, qui serait peut-être au cœur des passions humaines, l'un des dangers qui, en effet, menace le monde. Depuis la philosophie grecque, nous savons en effet qu'un désir légitime en lui-même peut devenir un danger mortel lorsqu'il ne comporte pas de limite, lorsqu'on ne lui donne pas le sentiment de sa limite. Alors il y a des limites naturelles, disait par exemple Épicure. Bien sûr, je peux être gourmand, je peux être affamé, mais à un moment donné, mon corps va dire stop. Mon corps va marquer cette limite par des effets dont chacun sait qu'ils sont très concrets et qu'on ne peut pas les dépasser. Mais il y a aussi des désirs, notamment moraux, politiques, des passions entre les humains, dont les limites doivent être instituées, soumises à des règles, sinon, en effet, ils peuvent dérégler le monde. Ce que me racontait le professeur Babacar Kanté, c'est que les économistes sont restés stupéfaits devant cette réponse morale toute simple. Il ne faut pas peut-être des grandes théories de la justice, même s'il les faut aussi pour instituer des règles et des limites, une fiscalité et surtout une répartition des ressources telles que tout le monde en est le minimum, mais il faut aussi réfléchir sur cette notion de cupidité, sur ce désir sans fin qui fait que certains accumulent des richesses dont ils n'auront jamais l'usage, car ils débordent toute limite humaine, et ce désir sans fin qui, en effet, mène à une concurrence effrénée contre lesquelles il y a des degrés. Peut-être ne faut-il pas tout abolir, les différences et même la concurrence, mais sans règles, elle devient en effet mortelle, et peut-être qu'il y a au fond du cœur humain la source de ce poison.